bonsoir à toutes et à tous, amateurs de musique et auditeurs fidèles de RDB. Ce soir, c'est une émission complètement spéciale, ça ressemble à Zik Actu, c'est exactement le même générique, mais ce n'est pas Zik Actu. Ce soir, c'est Ardèche Musique et Danse qui prend le contrôle de la radio pour vous passer une heure de musique, mais une heure de musique live, c'est-à-dire que les élèves sont là, les élèves de l'école sont là, prêts à vous jouer plein de morceaux. Ils sont une bonne quinzaine et ils vont se succéder ce soir sur le plateau incroyable de RDB pour vous jouer donc en live plein de morceaux, des compos, des reprises de toutes les périodes avec un peu tous les instruments, essentiellement des guitares, c'est quand même le plus facile à transporter, mais vous allez voir, il va y avoir de la variété. On commence tout de suite avec Louise et Margot. Louise et Margot, est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais bien le bonsoir, comment ça va? Ça va. Bien. Pas trop stressé pour votre premier live radio? Non, ça va. Non, tranquille, dites-vous que personne ne vous écoute et que vous êtes tranquillement en répétition. Qu'est-ce que vous allez jouer, s'il vous plaît? On va jouer Apache de The Shadows. Chouette, ah, donc un bon tube de la guitare. Eh bien écoutez, c'est quand vous voulez. Bravo, c'était super, merci, vous avez attaqué l'émission, c'était pas le plus facile. Et ben écoutez, bravo, merci Louise et Margot, donc vous faites de la guitare depuis combien de temps? Moi c'est ma deuxième année. Et moi ma troisième. Ok, bah félicitations pour ce beau parcours musical. Merci. On enchaîne merci. Tout de suite avec Raïssa, Loïs et Eloi. Raïssa, Loïs et Eloi, et si j'ai une petite musique de fond, ça sera encore mieux. Ouais, Raïssa, Loïs et Eloi qui vont vous interpréter Come Together des Beatles. Je vous avais promis un peu de variété pour ce soir au niveau des instruments Et ben là, elle est là tout de suite, la variété. Vous allez avoir deux saxos et une guitare électrique. Voilà. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale avec les élèves de l'école de musique départementale qui est aussi un conservatoire qu'on pourrait appeler le Conservatoire d'Ardèche et qui se situe au Chélard. Il y a plusieurs antennes en fait, il y a des antennes sur tout le territoire. Là vous avez essentiellement des élèves de l'antenne du Chélard mais aussi quelques élèves de la Mastre. Voilà, je crois qu'ils sont en place. On va commencer. Alors... Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, les amis? Oui. Ils m'entendent, mais ils sont timides, ils n'osent pas répondre. Raïssa, c'est toi qui es plus près du micro. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce que vous allez jouer, même si j'en ai déjà un peu parlé? On va jouer Come Together. D'accord, ok, super, impeccable. Donc, les Beatles, on est toujours un peu dans les musiques qui ont plus de 30-40 ans. Et après, on va avancer dans le temps. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Eh ben c'est à vous. Vous n'avez pas trop envie de vous rapprocher près du micro. Bravo à tous les trois, et c'était donc deux saxos, c'était Loïs et Eloi, et à la guitare c'était Raïssa. Merci beaucoup, juste un petit mot pour nous dire depuis combien de temps vous faites de votre instrument? 4 ans, moi 6 ans. Moi aussi, 6 ans. Ok, bravo. Donc, Loïs et Éloi qui sont en cours avec Benoît, qu'on salue, qui doit nous écouter. Benoît, le prof de saxophone. Merci beaucoup à tous les trois. On continue tout de suite avec les Radioactive Voices. Cette fois, vous avez donc un groupe qui est déjà constitué, qui fera des concerts, qui commence déjà à faire des concerts avec pas mal de reprises, mais aussi des compositions. Vous pourrez notamment les voir à la fin de l'été du côté de la Mastre. Vous pouvez les voir le 6 juin à Colombier-le-Vieux pour le Festoche. C'est un festival organisé, co-organisé par l'école de musique départementale. Et vous pourrez les voir un peu partout cet été, je suis sûr. Ne ratez pas ça, c'est Radioactive Voices. Ils sont quatre guitares, mais il peut y avoir des guitares électriques, des guitares basses et des guitares folk. Et il peut y avoir aussi quatre voix. Les Radioactive Voices qui sont actuellement en train de s'installer dans votre studio RDB, votre radio préférée, la radio de l'Ardèche. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Non, ils ne sont pas encore tout à fait là. On va leur laisser un peu le temps. Ils vont nous interpréter plusieurs chansons. Trois chansons donc. D'abord, vous allez avoir de la chanson en français avec Brigitte, Battez-vous. Un titre qui passe régulièrement à l'antenne de RDB. C'est parti, est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout va bien? Ça s'installe tout doucement? C'est presque bon. Ok, super. Donc je présentais un peu votre groupe, Radioactive Voices. Donc un groupe déjà existant. Vous êtes combien dans le groupe? On est 4. Ok, très bien. Et du coup, vous faites des concerts? Il y a des concerts de prévus? Donc oui, il y a plein de concerts de prévus pendant l'été. Notamment, il y a la kermesse d'Empurani qu'on va faire le 22. Le 22 mai, donc là c'est dans quelques semaines. Mai. Il y a également le concert le jeudi 27 août à la Mastre. Ok. Et le Festoche. Le Festoche, j'en parlais, c'est le 6 juin. Le 6 juin à Colombier-le-Vieux. À Colombier-le-Vieux, okay. Bah, c'est parfait. C'est parti, vous êtes prêts? Ouais. Et ben donc vous allez nous interpréter Brigitte, le groupe Brigitte. Le morceau s'appelle Battez-vous. C'est à vous si vous êtes prêts. C'est parti. Thank you. Bravo à tous, bravo à tous les quatre, c'était excellent, bravo, super. Et bah écoutez, on enchaîne tout de suite avec une autre chanson, c'est quoi exactement? Donc c'est Prayer in Sea de Lilywood and the Creek. Ok, et bien après quelques bruits de feuilles, nous vous écoutons. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, what is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Et c'est la folie dans le studio, bravo, bravo à tous les quatre. Super, on continue avec une chanson a cappella, me semble-t-il. Accompagnée d'un petit peu de guitare quand même, mais ah, sinon oui, elle est à quatre voix. À quatre voix, incroyable. Il s'agit de... Blowing in the Wind de Bob Dylan. D'accord. Eh bien, si vous avez vos paroles, ça serait magique. Eh bien, c'est parfait, on vous écoute, c'est à vous. Seeds must the white dove stand. Bravo, merci. Un beau retour dans les années 60. C'était super chouette. Bravo à tous les quatre. Et du coup, pour faire encore un petit tour d'horizon, juste pour nous dire, Audrey, et vous êtes toujours parmi nous. Depuis combien de temps vous jouez de la guitare ? Donc, moi, ça fait 4 ans. J'ai commencé dans mon collège, en une option, puis après, je suis allée à l'école de musique de Lamastre. Le collège du Vivarais à Lamastre, que l'on salue. Et pour toi, Emma ? Moi, c'est pareil, j'ai commencé en même temps qu'Audrey au collège. Et après, je me suis inscrite à l'école de musique de Lamastre. D'accord. Et ça fait 5 ans que j'en fais. 5 ans. Et Florian, toi, c'est un peu le même parcours ? Et moi, Florian, c'est le même parcours que Emma. J'ai commencé au collège aussi et je me suis directement inscrit à l'école de musique de Lamastre. D'accord. Et donc, le chant, ça fait partie pour vous intégrante de ce que vous avez envie de faire ? Ou est-ce que vous concevez la guitare sans chant ? Non. Pour nous, c'est important le chant. D'allier les deux. Surtout, notre caractéristique un peu du groupe, c'est les polyphonies à deux voix. Donc, pour nous, c'est pas possible de pas mettre de chant dans les chansons. D'accord. Et est-ce que vous composez ? Donc oui, on compose. On a un supplément de groupe avec un batteur et un pianiste. Donc on fait les compos avec eux. Et du coup, pour l'instant, on en a 3 en cours. Et donc elles seront, vous pourrez les écouter dans nos concerts qu'on vous a programmés tout à l'heure. Ok, super. Et là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Une guitare nettement plus virtuose que Bob Dylan, même si c'était très très bien. Dans un autre état d'esprit, vous allez nous interpréter quel titre ? Royals de Lorde. Ok, avec donc pour une voix et une guitare percussive. Voilà, c'est ça. Eh bien, nous vous écoutons. I never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings, and I'm not proud of my address. In a town uptown, no boss got envy, but every song like Gucci, Grey Goose, stripping in a bathroom, boosting Gauguin, trashing in a hot shot, we don't care. We're driving Cadillacs in your dream, but everybody's libraries don't make back diamonds in your time, bitch. Iceland, tangled in a gosh, as we don't care. We aren't gone in your love affair. We'll never be royal. You don't touch no blood. Like in your love, just in for us. We crave a different kind of us. Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee. And baby, your ruler, ruler, ruler, rules. Let me live that fantasy. Daughters on the train to the party, and everyone with Moses knows that we're fine with this. We didn't come from money, but every song like Gucci, Grey Goose, stripping in a bathroom, boasting, bogan, trusting in a hotel, we don't care. We're driving Cadillacs in your dream, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds in your tongue, pigeons, plants, Iceland, tackled in a ghost, yes, we don't care. We aren't gone in your love affair, and we'll never be royal, royal. You don't trust in no plan, the king of love just in for us. We crave a different kind of us, let it be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee, and baby, your ruler. Let me live that fantasy. Wow, wow, oh, we better had it every dream. In love with a pink queen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. We had a gone in your love affair, and we'll never be royal, royal. You don't trust in our plow. The king of love just sing for us. We crave a different kind of best. Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee. Baby, your ruler, ruler, ruler, ruler. Let me live that fantasy. Et Exceptionnel, bravo, bravo, merci beaucoup. Et vous, ce que vous avez entendu à l'instant, ce n'était pas une armée de guitaristes avec une batterie, c'était tout simplement un seul guitariste, tout ça dans un seul homme et dans une seule chanteuse. Merci, mais on rappelle que Radioactive Voices, c'est 4 membres que vous pouvez retrouver cet été. Merci beaucoup à vous, à tous les 4. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Nous allons continuer cette émission spéciale AMD Ardèche Musique et Danse avec un live de Léa, Milan et Quentin qui vont nous rejoindre dans le studio. En attendant, je vous reprécise donc que Ardèche Musique et Danse, c'est une vingtaine d'antennes réparties sur tout le territoire d'Ardèche. Voilà, une gestion départementale pour vous offrir donc la possibilité d'avoir un conservatoire en fait et un enseignement de qualité tout près de chez vous. L'idée donc c'est de... Excusez-moi, j'étais tellement content de ma phrase précédente que j'ai perdu la suivante. Donc l'idée c'est de pouvoir apprendre tous les instruments. Donc vous avez les instruments à cordes, la guitare, la basse, mais aussi la batterie, le violon, la flûte traversière, la flûte à bec, les percussions d'orchestre, et j'en oublie sûrement, le violoncelle à Saint-Agrève, je sais, le chant à Colombier-le-Vieux. Et en fonction de voilà des antennes où vous êtes, vous pouvez aller vous renseigner directement. Donc je vous rappelle les 5 antennes du bassin centre. Le bassin centre, c'est là où est essentiellement diffusé RDB, donc on va dire centralisé sur le Chélard, mais évidemment ce n'est pas que le Chélard. Donc les 5 antennes, c'est Saint-Agrève, le Chélard, Saint-Sauveur de Montagu, Colombier-le-Vieux et La Mastre. Voilà. Donc c'est là où vous pouvez venir apprendre la musique et on vous accueillera avec grand plaisir. On continue donc avec Léa, Milan et Quentin. Léa, Milan et Quentin, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, oui, nous sommes prêts. Super. Est-ce que vous avez un autre nom de groupe que Léa, Milan et Quentin ? Non, pas vraiment, parce que déjà il manque deux membres du groupe et qui ne sont pas là. Et donc c'est juste l'atelier de la musique actuelle du Chélard avec Jean-Phi. D'accord, bah Jean-Phi qu'on salue évidemment. Jean-Phi, une figure locale immanquable au Chélard. Qu'est-ce que vous allez nous jouer, s'il vous plaît ? Alors en premier, nous allons vous interpréter Animals de Maroon 5. Ensuite, Dangerous de David Guetta pour finir avec Counting Stars de One Republic. Eh bien écoutez, puisque c'est tout annoncé, vous n'avez plus qu'à enchaîner ces 3 titres pour notre plus grand plaisir. C'est à vous. You take me down, spin me around, you got me running all the light. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar, but I just got that feeling, sugar. I can hear the sirens, burn the red lights, only I can turn back down. So on time. I don't know where the light is taking us, but something in that is dangerous. And nothing out about the two of us. Baby, it's getting serious. Detained, dangerous. Show me your soul, I gotta know. On the glass, come moving fast, come take the wet and dry. I don't know what you're thinking, sugar, but I just got that feeling, sugar. I can hear the sirens, feeling relaxed, and I can turn back now. So on time. I don't know where the light is taking us, but something in the night is dangerous. Nothing out of the two of us. Baby, it's getting serious. Dangerous. It's dangerous. So dangerous. I won't do it again. It's dangerous. So dangerous. I won't do it again. It's dangerous. So dangerous. I won't do it again. So on time. I don't know what light to take in us, but something in the night is dangerous. And nothing out of the back, the two of us. baby is getting serious. Oh, oh, oh, the danger, dangerous. Oh, oh, oh, I don't know what I like to take in girls, but something in the night is dangerous. Nothing on the back, the two of us, baby is getting serious. Baby, I'm bringing you tonight. As you down, it's you alive. Just like animals, animals, like animals. Maybe you think that you can lie. I just get yourself for my. Just like animals, animals, like animals. Baby, I'm so to join to the man. Stuck against the just like animals, animals, like animals, most. Baby, I'm. On enchaîne donc avec Counting Stars de One Republic. C'est bien ça. C'est parti. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Say no more cutting, that us will be calling stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing sign. Seek it out and we shall find all. But I'm not that old, young. But I'm not that old. I don't think the world is sold. Just doing what we're told. And I feel something so right. Doing the wrong thing. Doing makes me feel alive. Lately I've been losing, dreaming about the thing that we could be. But baby, I've been prayer. See no more calling, daughters will be calling. Lately I've been losing sleep, dreaming about the thing that we could be. But baby, I've been praying hard. See no more calling, daughters will be calling stars. And I feel it burn down this river every turn. Up is up for a little world. Melancholic, watch it burn on. But I know that all I am. But I'm not that more. I don't think the world is so. Just doing what we're told. And I feel something so right. Doing the wrong thing. Things I could lie. Everything makes me wanna fly. Watch it burn, singing in a revelation silence. Take that money, watch it burn, singing in a revelation silence. Take that money, watch it burn, singing in a revelation silence. Take that money, watch it burn, singing in a revelation silence. Take that money, watch it burn, singing in a revelation silence. Take that money, watch it burn, singing in a revelation silence. Everything that kills me makes me later. I've been losing. Bravo à tous les trois, merci beaucoup pour cette prestation. C'était super chouette, merci. Vous avez d'autres concerts prévus ? On a les auditions de fin d'année. Après, je sais qu'on va passer chez Bamban, donc au bar à la Palisse. Ouais, au bar à la Palisse, ouais. Avec Jean-Phi, donc voilà. Tout à fait. Et ça, c'est au mois de juin, en principe ? Fin juin ? Je ne sais pas la date, mais oui, il me semble que c'est fin juin. Ouais. Surveillez Facebook, peut-être. Vous mettez ça sur Facebook ? Ben, oui, on va essayer d'y penser. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. On continue avec le groupe Delta. Le groupe Delta, je vous en avais déjà parlé, et je crois qu'elles étaient venues pour ma deuxième émission en interview exclusive pour RDB. Le groupe Delta, c'est deux charmantes jeunes filles, Margot et Camille, qui sont à la fois guitaristes et chanteuses et qui composent tous les morceaux qu'elles interprètent. Donc ce soir, elles vont vous interpréter trois compositions, dont une composition qui est basée sur un texte de je ne sais plus qui, mais elles vont nous le dire tout à l'heure. Le 14 juillet, c'était Boris Vian, je dirais. Alors, elle s'installe tout doucement dans le studio. Ça prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, elles sont bientôt là. Et voilà, ça sera le dernier groupe que nous accueillerons ce soir en direct. Je vous rappelle que c'était un live spécial AMD Ardèche Musique et Danse ce soir sur RDB, la radio des Boutières. Et voilà, je crois qu'elles sont prêtes à vous interpréter leurs chansons. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, salut. Salut, ça va bien? Oui. Ça va, vous êtes motivés? Oui, carrément. Ok, impeccable. Eh bien écoutez, si vous êtes prêtes et motivées, on va pouvoir commencer tout de suite par quel titre? L'été. C'est un nouveau morceau qu'on n'a encore jamais joué alors. Une exclusivité donc pour RDB, super. Eh bien merci beaucoup pour cette exclusivité d'avance et on vous écoute avec grand plaisir. C'est à vous. Je me rappelle ces jours, scènes ensoleillées, l'ivresse et l'harmonie, ces moments passés. Et si parfois l'averse vient tout chambouler, on l'aime bien l'averse de ces milieux d'années. De lune fait son apparition, son reflet dans les temps, au milieu des étoiles endormies sur la berge éclairée par la nuit, elle font sonner le chant de notre plénitude. Quand la chaleur s'amène, si calme, apaisé, que le vent nous réveille, et le parfum du jour tout droit sorti d'un rêve nous traverse en entier, fait sentir sa lueur, me rappelle l'été. Oh oh oh oh, badadadada, badadadadada, badadadadada. Je me rappelle ces jours, scènes ensoleillées, l'ivresse et l'harmonie de ces moments passés. Et si parfois l'averse vient tout chambouler, on l'aime bien l'averse de ces milieux d'années. Mais merci beaucoup pour cette exclusivité. Donc ça, c'est une chanson qui n'a jamais été entendue nulle part ailleurs. C'est une exclusivité pour la radio des Boutières. Incroyable. Ok, merci beaucoup. Et donc, c'était une chanson d'actualité sur l'été, ou presque. Oui, presque. Presque d'actualité. En ce moment, oui. Vous avez un peu d'avance. Ok, c'est parfait. Et la prochaine? Le morceau qui suit s'appelle Le 14 juillet. Et c'est mon frère César qui l'avait écrite et qu'on avait arrangé toutes les deux avec Camille. C'est sur un texte de Guy de Maupassant. C'est cela, tiré du Orla, le livre. Super, merci beaucoup. Et non pas Boris Vian, comme j'ai pu le dire pendant que vous vous installiez. C'était donc Maupassant. Merci pour cette précision. C'est à vous. Promener par les rues, les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient, tantôt férocement révolté. On lui dit amuse-toi, il s'amuse. On lui dit va te battre avec le voisin, il va se battre. On lui dit vote pour l'empereur, il vote pour l'empereur. Lui dit vote pour la République, il vote pour la République. lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. Car la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. Car la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. Car la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. La température monte dans les studios, c'est incroyable. Bravo, merci les filles, super. C'est une très belle mise en musique. Est-ce que c'est pas trop difficile de mettre en musique de la prose? Il n'y a pas de rime, il n'y a pas de vers. Comment vous en êtes sorti? Sur, je parle du 14 juillet, pardon, excusez-moi. En l'occurrence, pour le coup, c'est César, du coup, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais ouais, c'est toujours un peu plus difficile. Mais disons qu'après, il y a d'autres formes de poésie, enfin, que la rime. En l'occurrence, pour mettre qui fait que c'est mélodique, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Alors, en tous les cas, c'était très clair à l'écoute, que du voilà. Coup, c'était très musical, même si c'était de la prose. Mais voilà, bah, bravo pour ce morceau. Et on continue, encore un morceau? Ouais, alors maintenant, on va vous jouer Anastasia. D'accord. Donc, vous connaissez normalement. Mais oui, tout le monde connaît. Pas tout le monde. Ouais, mais bon. Alors, Rochelar, c'est le tube. Ouais, c'est le tube Rochelar, ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'RDB franchit un peu les frontières du Chelar. Et donc, voilà, il y a plein d'auditeurs qui vont pouvoir découvrir ce soir grâce à vous. On écoute donc Anastasia, une composition de Delta. C'est à vous. Son silence, enlacée de passion, la douceur de ses bras. Anastasia, elle danse, elle vole, dans un vent de sourire, il se perd et s'étouffe, dans les étoiles, qui lui parlent parfois, quand elle s'ennuie le soir. Dans sa robe de soie, Anastasia, elle a peur que la vie lui glisse entre les doigts. Dans le creux de ses mains, elle écrit son histoire. Elle invente un chemin. Elle invente un chemin. Anastasia, le mystère perlé. Ruisselant de ses nuits, du fond de son palais. Anastasia, dans le bruit des nuées, le son d'une envolée. Se passer les songes. Anastasia, elle court après ses rêves dans sa robe de soie. Anastasia, elle a peur que la vie lui glisse entre les doigts. Merci, merci, merci, merci beaucoup merci. Pour ce tube. C'était un plaisir de vous recevoir donc pour la deuxième fois à RDB. C'était nous le... aussi, c'est super cool quand on vient à chaque fois, c'est bon. Et donc c'était le groupe Delta, je le redis. Ouais. Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, c'est Delta, D-E-L-T, avec un petit triangle à la fin. Mais comment fait-on le triangle sur un clavier? C'est ça la question que tout le monde se pose. Sinon, vous pouvez taper sur Google Delta, musique, Delta, le Chelard ou Delta voilà. 07 et on tombe sur la page Facebook. Super. J'en profite d'ailleurs pour replacer aussi que Radioactive Voices, enfin The Radioactive Voices, ont aussi une page Facebook si vous voulez les suivre pour les concerts de cet été. Et vous, l'actualité du groupe alors? On n'a pas de date fixe, enfin vraiment fixe. Et elle se trouvera sûrement sur la page Facebook dès qu'on en sait plus. Mais on espère que ça va le faire. C'est vrai qu'on a pu pas mal vous entendre l'été dernier dans la région. Et là, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué parce que vous n'êtes plus forcément sur le Chelard. Moi je suis sur Lyon, du coup on se voit moins. On essaie de faire des trucs, mais bon. C'est un peu plus compliqué que l'année dernière. Je crois que, mais dans les mois qui suivent, on devrait se voir plus, du coup je pense que... C'est parfait. Il y a de quoi faire. Ça serait bien parce que tant que vous venez de temps en temps à la radio pour nous jouer vos exclusivités, ça nous fait plaisir. Ok, merci beaucoup. C'était super sympa d'être passé nous voir. Je remercie tous les élèves et tous les parents d'élèves qui sont venus ce soir et qui sont avec moi ce soir. Allez les parents, faites-vous entendre. Applaudissements. Ouais ouais ouais. Ah oui, on pourrait aussi organiser un concert des parents, ça, c'est vrai que c'est un truc à penser. Ok, c'est super en tous les cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette aventure. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur internet très prochainement, sur la page de RDB, le site RDB, vous tapez rdbfm.com et vous tombez donc sur le site de RDB. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast. Elle se trouvera dans la rubrique Zik Actu. Zik Actu, c'est mon émission, j'en profite pour me faire un peu de promo aussi. Zik Actu, c'est c'est un mardi sur deux, le premier et le troisième mardi du mois, où on parle d'actualité musicale. Je vous fais partager un petit peu les découvertes que j'ai trouvées, dénichées sur le web, des découvertes musicales. Et ça dure une heure, c'est à 20h, de 20h à 21h, une semaine sur deux. Et donc, si vous tapez Zikactu, Z-I-K et Actu plus loin sur Google, vous tomberez sur la page PodCloud qui permet de récupérer toutes les émissions. Et la dernière émission, j'essaierai de la mettre en ligne le plus rapidement possible pour que vous puissiez réécouter cette émission spéciale Ardèche Musique et Danse, je le rappelle. Ardèche Musique et Danse, c'est aussi c'est une école de musique, c'est un conservatoire où on apprend plein d'instruments et c'est donc plein de concerts qui sont organisés. Comme ça, un peu pêle-mêle, comme ils me viennent, les prochains concerts seront le 30 mai pour l'inauguration de Terra Delis à Saint-Sauveur de Montagu. Et vous aurez une boule de glace offerte si vous passez par là, ça vaut le coup. Ensuite, nous avons le 6 mai, le Festoche à Colombier-le-Vieux avec plein de groupes de musique actuelle et Barrio Populo le soir en concert. C'est super bien, un groupe stéphanois dont j'ai dû peut-être vous parler dans Zikactu, je sais plus. Ensuite, ce qui me vient, ça doit être la fête de la musique, il y aura forcément plein de choses. Je pense notamment à Auchelard et à Jean-Philippe qui va sûrement faire jouer ses groupes. Et ensuite, on se retrouve c'est donc le 21 juin. Et après, vous aurez toutes les auditions de fin d'année, fin juin, début juillet, où vous pourrez découvrir donc tout plein de styles de musique, du piano, du violon, tous les instruments qui sont pas forcément là ce soir, parce que c'était pas évident de ramener un piano dans le studio, mais qui seront là en audition à la fin de l'année. Et écoutez, en plus, le timing est presque parfait. Cette émission aura presque duré une heure. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser des petits messages sur la page, le site officiel de RDB ou tout simplement sur la page Facebook de Zik Actu. Vous tapez Zik Actu RDB sur Facebook et vous tombez sur mon émission. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Encore une fois, merci aux élèves et aux parents de les avoir accompagnés. Merci pour toute cette belle musique et à très bientôt. Faites encore un petit peu de bruit pour que ça soit festif.